Pas business sans acte de tonne de l'eau qui je suis posé avec les youfs dans le féca. C'est les procédures que je dois vesquer, les enquêteurs enfin donc on fait gaffe. 44 magnum, je comprends que t'es raf. C'est peut-être un poteau qui brise à tes rêves. Si tu cherches la merde, tu vas la vétrou. Je peux pas te raconter tout ce que j'ai vécu. Zéro limite, le danger nous accompagne. En deux temps on exécute le contrat. Comme Zepek, je récupère la place, tu trompes pas. Trop de monnaie qui rentre, je deviens loco. Tu vas pas trop lever. Si tu me vois arriver sur la moto, rien a changé. Le produit tarifé selon les taux. On sait ce qu'on fait. Pas besoin de polémique et j'ai rien à faire, bro. J'peux plus m'arrêter, j'suis un peu rebou. Plus un comptable dans le V12. Beaucoup d'amour pour le bif, j'te conseillerais de faire attention. En fait, c'est ça la peau du vice et des rêves qu'on a en détention. Refait, c'est ma main qui grossit. Refait, et rien n'est impossible. Wow, wow, prix pour cible. Les gars de ma ville veulent me faire MDR. Beaucoup d'amour pour le bif, j'te conseillerais de faire attention. En fait, c'est ça la peau du vice et des rêves qu'on a en détention. Refait, c'est ma main qui grossit. Et rien n'est impossible. Wow, wow, prix possible. Les gars de ma vie veulent me faire. J'ai un dur au fou, ça a l'air de président. Que Dieu me tue si devant je suis hésitant. Elle a un DY, poursuivi par la 3-8 break. Mais tu sais rien inquiétant. Combien de fois j'ai dû délasser mes chaussures. Avant de monter, j'activais le mode chasseur. La rue m'a laissé des blessures. Quand tu prends le Zion à qui ça fait pas plaisir. T'assure, on est resté les mêmes. Depuis l'adolescence, pour qu'à récolter le blé qu'on sème. C'est ça qui est intéressant. Ils sont là par intérêt. Mais t'inquiète, tu méfiant. Je voulais devenir star du foot. Plâtré comme Luc Besson. Tu vas pas trop lever. Si tu me vois arriver sur la moto, rien n'a changé. Le produit tarifé selon les taux. On sait ce qu'on fait. Pas besoin de polémique et j'ai rien à faire, bro. Je peux plus m'arrêter, je suis un peu rebou. Plus un comptable dans le V12. Beaucoup d'amour pour le bif. Je te conseillerais de faire attention. En fait, c'est ça la peau du vice. Et des rêves qu'on a détention. Refait, c'est ma main qui grossit. Refrain, rien n'est impossible. Wow, wow, prix possible. Les gars de ma vie veulent me faire MDR. Beaucoup d'amour pour le beat. J'te conseillerais de faire attention. En fait, c'est ça la peau du vice. Et des rêves qu'on a détention. Refrain, c'est ma main qui grossit. Refrain, rien n'est impossible. Wow, wow, prix possible. Les gars de ma vie veulent me faire MDR.